Ici Alain Crevier en remplacement de Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'obsession de la pureté raciale, l'eugénisme. Was wir uns unter der deutschen Jugend dazu wünschen, ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit runde geht. C'est un extrait d'un discours prononcé le 14 septembre 1935 au moment d'un rassemblement des jeunesses hitlériennes. Et oui, vous l'avez deviné, c'est Adolf Hitler qui disait ceci. Ce que l'on souhaite pour notre jeunesse, ce n'est pas la même chose qu'hier. Nous devons créer un homme nouveau afin que notre race évite la dégénération des temps modernes. La dégénération, un homme nouveau, se débarrasser de ce qui ne cadre pas avec un cadre idéal. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50% vermehrt. Depuis plus de 70 ans, notre population a connu un accroissement de 50%, alors que durant la même période, le nombre de personnes atteintes de maladies héréditaires a augmenté de 450%. Si cela continue, une personne sur quatre dans 50 ans sera donc atteinte de déficiences à caractère génétique. Les lois qui font obstacle à la reproduction d'individus atteints de déficiences héréditaires ne doivent pas être perçues comme une restriction aux droits accordés par Dieu, mais plutôt comme le rétablissement d'une loi de la nature. C'est tiré du film Les victimes du passé. C'est pas une fiction, ce film-là. Hein. C'est un document de propagande eugéniste nazi produit en 1937. Il y a une chose qui saute aux yeux quand on a préparé cette émission, c'est à quel point une réflexion sur l'eugénisme est indispensable. Pas seulement et pas uniquement pour revenir sur l'époque d'Adolf Hitler, mais pour parler de notre époque à nous aujourd'hui. Et pour parler de l'histoire de l'eugénisme, le professeur d'histoire de l'Université de Montréal, Carl Bouchard. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Deux extraits pour ouvrir l'émission qui donnent des frissons, non? Absolument, absolument. Que donner des frissons. Les mots utilisés sont terrifiants. Ah, il y a quelque chose, il y a une idéologie, il y a une franchise là-dedans. Vraiment, ça fait peur. Mais d'abord, eugénisme. Le mot, il vient d'où? Le mot date de la fin du 19e siècle. C'est, comme souvent dans le domaine scientifique, une association de racines grecques. Donc, « e », le préfixe qui signifie « heureux » ou « bon », et puis « génisme » qui signifie, dans sa racine grecque, « engendrer » ou « donner naissance ». Donc, il s'agit en fait de bien-être ou de donner une bonne naissance. Quand même, hein? On voit là-dedans là, déjà une démarche. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on comprend de ça, c'est la recherche de la pureté et l'élimination de ce qui ne l'est pas conséquemment. Voilà, exactement. Donc, nous, ce qu'on a vu, et c'est pourquoi il faut revenir un peu aux origines, c'est, ce dont on se rappelle, c'est ce terrible épisode du nazisme et puis de la Shoah, de l'élimination des populations des raisons de pureté raciale. Mais évidemment, derrière ça, il y a aussi tout un discours qui s'est développé au 19e siècle. Et puis, c'est ça qu'il faudrait aussi... 19e siècle, donc 19e on ne parle pas, c'est pas Hitler qui a inventé ça. Exactement, exactement. Ouais. Ouais. On va écouter, j'ai un extrait à vous faire écouter. Ça vient de l'émission Visa pour l'avenir de l'ORTF, 1962. Dans cet extrait-là, on retrouve l'écrivain et biologiste Jean Rostand qui parle des promesses et des dangers de la manipulation de l'ADN. Mais lui, il parle du DNA. Mais alors, on comprend qu'on parle de l'ADN. Mais il est certain que par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA. On finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspective pour l'homme, et aussi, disons-le, d'inquiétude. Car... ce sera magnifique, évidemment, du point de vue médical. On pourra guérir les mauvais DNA, réparer les défectuosités des DNA qui font l'hémophilie, qui font l'idiotie héréditaire, qui font telle ou telle forme de cécité ou de surdité. Mais aussi, on pourra toucher à l'espèce humaine. On pourra peut-être créer des surhommes ou des sous-hommes. Je n'ai pas besoin d'insister sur le danger que représente un tel pouvoir. On ne sait pas s'il faut se réjouir de voir les chimistes porter la main sur le patrimoine héréditaire de l'homme. Je vous avoue que pour ma part, car un biologiste a quand même le droit d'être un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin. Mais le sera-t-il jamais ? Jean Rostand, 1962, qui s'inquiétait de la maturité de l'homme et qui pose vraiment toute la question. Elle est là, le sera-t-il jamais suffisamment mature pour tousser à ces choses-là? Et puis, c'est des organismes génétiquement modifiés à 30 ans, 30, 40 ans avant le début du processus industriel. Il y a quelque chose de très juste dans le propos de Jean Rostand, quand même. Hein? Oui. Dans vos réflexions, je suis sûr qu'il doit rejoindre ce que vous en faites aujourd'hui ou ce que vous en pensez aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il a utilisé les bons termes, surhomme, cette idée de à la fois de la promesse de la manipulation génétique et puis des dangers de cette manipulation. Donc, on est constamment en équilibre, justement, entre cette volonté qui est tout à fait de bonne foi d'améliorer l'espèce humaine et puis, après ça, les dérapages, évidemment, qu'on va connaître à partir de la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on a raison de commencer à penser à Darwin, là, ici? On a tout à fait raison. On a doublement raison. On a une raison généalogique, puisque le fondateur de l'eugénisme, c'est un cousin de Darwin. Et on a aussi une raison en termes historiques, puisque c'est vraiment la publication de l'ouvrage de Darwin, de l'origine des espèces, en 1859, qui va lancer le discours eugéniste. En fait, c'est un ouvrage qui est proprement bouleversant, qui est bouleversant pour l'histoire de la biologie, c'est bouleversant pour l'histoire des idées, et puis ça aura un impact social absolument majeur. Et donc, Darwin, en 1959, publie de l'origine des espèces. C'est un ouvrage qu'il a travaillé pendant une vingtaine d'années. On connaît tous le voyage de Darwin sur le Beagle et puis son travail sur la sélection naturelle. Et ce que nous dit Darwin, c'est qu'effectivement, il y a dans la nature des hasards. Et des hasards qui profitent à certaines espèces et à certains individus. Et ces individus, par ce hasard, ont des attributs préférables ou préférentiels par rapport à d'autres individus. Et ce sont eux qui vont s'adapter à leur environnement. Et ce sont eux qui vont procréer. Et donc, ce processus, Darwin l'a appelé la sélection naturelle. Et Darwin s'est bien gardé de l'appliquer aux humains. Et c'est là tout l'enjeu de l'eugénisme, c'est qu'on va prendre les théories de Darwin et on va peu à peu. Mais pourquoi il ne l'a pas appliqué? La tentation devait être grande quand même. Même en termes intellectuels, pourquoi il ne l'a pas appliqué aux humains? La tentation était grande, oui, effectivement. Il a dit qu'on était soumis à une forme de sélection naturelle. Par contre, Darwin sépare l'espèce humaine des autres espèces. À son avis, le développement humain est tel, le cerveau humain est tel, notre capacité d'adaptation est telle que nous avons aussi un processus qui est différent de celui des animaux, c'est celui de la civilisation. Et à travers le processus de civilisation, il y a des valeurs, la charité, la solidarité, les religions qui font qu'on freine dans une certaine mesure le processus de sélection naturelle. Et donc Darwin n'est jamais devenu ce que seront par la suite les darwinistes sociaux, c'est-à-dire ceux qui osent franchir le pas et à appliquer la doctrine de la sélection naturelle à l'espèce humaine. Oui, alors, mais son cousin, cependant, lui, vous le situez en quelque sorte à l'origine de l'idée de l'eugénisme. Son cousin, c'est Francis Galton. Et en fait, à partir de la publication de l'origine des espèces, on divise un peu en deux groupes les tenants. Alors, il y aura d'un côté les darwinistes sociaux, et un des plus grands représentants, ce sera Herbert Spencer, qui va développer l'expression « la survie du plus fort ». Et ces darwinistes sociaux vont dire, dans le fond, l'espèce humaine, elle est soumise, elle aussi, à la sélection. Il faut donc ne rien faire pour sauver les pauvres, sauver les handicapés, sauver ceux qui sont, de l'avis de Spencer, inaptes à la société. Et donc, le darwinisme social va encourager le libéralisme sauvage, réduire l'intervention de l'État, tout faire en sorte pour que la sélection naturelle se fasse chez les humains. Alors ça, c'est d'un côté les darwinistes sociaux. Mais évidemment, cette sélection naturelle, elle se fait dans le temps long. Darwin parle de milliers, de centaines de milliers d'années. Et bien, de l'autre côté, il y a des penseurs qui trouvent que c'est trop long, que cette sélection, elle va freiner le développement humain. Elle est trop longue. Il faut donc créer une sélection artificielle. Et c'est là que l'eugénisme va entrer en ligne de compte. Et c'est le cousin de Darwin, Francis Galton, qui en 1883 va jeter les bases de cette nouvelle théorie. Mais en quelque sorte, ici, on est à la découverte, on est à la recherche de la découverte de la loi du progrès humain. Est-ce que j'exagère quand je dis des choses comme ça? Non, absolument pas. C'est le 19e siècle, c'est le siècle de la science, c'est le siècle de la raison, c'est le siècle du positivisme, où on se dit qu'il y a dans la nature et dans tout ce qui entoure l'humanité des lois physiques, des lois biologiques, des lois sociales. C'est le siècle où on invente le terme sociologie, qui est l'étude scientifique de la société. Et donc, ce qu'on croit, c'est qu'il y a forcément une marche de l'humanité vers quelque chose. Elle commence quelque part et elle va quelque part. Et Darwin son ouvrage, c'est justement ça. Il va voir d'où vient l'humanité, d'où viennent les espèces. Et puis Francis Galton va dire, ben moi, je vais voir où elle se projette. Et donc, dans cette grande loi de l'humanité, il y a des passages. Et ces passages, eh bien, il faut essayer de les comprendre et, si possible, d'agir sur, sur ce développement humain. Vous savez, ce qui me saute aux yeux, là, c'est parce que je me dis, répondre à ces questions-là, par exemple, la loi du progrès humain ou ce genre de choses-là, pendant, j'allais dire, des siècles, c'est pas loin d'être ça, la réponse, on ne pouvait la trouver que dans les textes sacrés. Exactement. C'était là qu'on trouvait. Et là, tout à coup... C'est pas l'été. On cherche plus à travers les... On cherche quelque chose. Et c'est la science, finalement. C'est la science qui détermine. Oui. Auguste Comte, au 19e siècle, dira que quand on arrivera dans cette ère positive, ou ce qu'il va appeler l'ère scientifique ou l'ère scientiste, eh bien, la science va répondre à toutes les questions. Et si la science répond à toutes les questions, il n'y a plus de mystère, il n'y aura plus de religion. Et à travers la science, on aura le bien-être humain, puisqu'on va comprendre toutes les lois qui régissent la nature, les lois qui régissent l'univers. Et donc, il y a effectivement un désir là de quitter le domaine religieux pour entrer dans celui de la science. Alors, on parlait tantôt de l'éloge de la lenteur, sélection naturelle, oui. De l'envie que certains pourraient avoir, et on les voit, là, de couper court, trouver le moyen d'aller plus vite. Mais est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça autrement qu'en brusquant même notre réflexion, notre philosophie humaine? Voilà. Mais c'est là que l'eugénisme devient terrifiant. C'est que si on veut court-circuiter la sélection naturelle, il faut à ce moment-là prendre des moyens. Et donc, le discours, on peut le critiquer, on peut en débattre, mais c'est quand les États vont commencer à mettre en application la doctrine eugéniste, parce que là, on aura véritablement une doctrine sociale, une application sociale, c'est là que ça deviendra très impressionnant. Parce qu'on a différents types, en fait, d'eugénisme. Je pense qu'on va certainement l'aborder. Ce qu'on peut appeler l'eugénisme positif, c'est-à-dire de favoriser les bons gènes, par des mariages, par exemple, par l'encouragement à la procréation chez certains individus, donc un eugénisme positif, et puis il y aura de l'autre côté un eugénisme négatif. Mais c'est quand même étonnant. C'est terrible. Oui, c'est, on parle d'eugénisme positif, et c'est parce qu'on nous a appris à ne pas penser comme ça. J'ai 60 ans, puis on nous a appris que l'eugénisme, c'était pas bien. Et puis on en avait des preuves. On avait Hitler qui nous l'avait tellement bien démontré. Alors, mais d'entendre dire positif, l'eugénisme positif, on peut traduire ça dans des lois. On peut traduire ça dans des lois, et puis c'est aussi à l'époque où on commence à faire les statistiques sociales, par exemple. Donc les premières politiques de santé publique datent du 19e siècle. Alors un cas d'eugénisme positif, par exemple, c'est la grande préoccupation qu'avaient les médecins à la fin du 19e siècle sur l'alcoolisme. L'alcoolisme atteint des taux mais absolument phénoménaux dans les sociétés industrielles. C'est un exutoire très impressionnant, très utile pour la classe ouvrière qui vit dans la misère. Et puis, on se met à croire que l'alcoolisme, c'est un fléau social, mais c'est un fléau qui se transmet de génération en génération. Donc, le combat contre l'alcoolisme, toutes les ligues anti-alcooliques de la fin du 19e siècle, c'est une forme d'eugénisme positif. C'est d'essayer d'éliminer cet alcoolisme pour essayer de favoriser les prochaines générations. Donc, il y a des politiques publiques, en fait, qui sont directement héritées de cet eugénisme. Mais je vois aujourd'hui des politiques publiques qui vont dans ce sens-là, que ce serait de lutter contre l'obésité, lutter contre des maladies, le diabète et combien d'autres choses. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle... Moi, mon dicton préféré, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais on se demande si... En parlant de l'eugénisme positif, dans ce que vous nous décrivez, dans des actions politiques, si on n'arrive pas à l'en faire, finalement. En fait, il faut voir aussi, aujourd'hui, si on ose parler d'eugénisme positif, c'est vraiment dans une forme extrêmement atténuée, qui est une forme atténuée, une forme non plus qui, une forme qui par ailleurs ne vise pas des groupes en particulier, mais vise l'ensemble des populations sous des politiques qui sont beaucoup plus compassionnelles. Il ne s'agit pas dans ce cas-ci de faire de l'élimination de personnes. Mais c'est clair que jusqu'à encore aujourd'hui, on a par exemple à Singapour des politiques de mariage, d'encouragement au mariage et de procréation pour les couples de diplômés, donc diplômés universitaires, alors que fiscalement, ils sont encouragés à faire des enfants. Et fiscalement, on décourage les couples qui n'ont pas de diplôme de faire des enfants. Donc, il y a encore aujourd'hui, dans certains pays, ça ne touche pas simplement le monde occidental, il y a encore aujourd'hui des politiques, et puis on le verra dans l'émission, il y a aussi, jusque dans les années 80, des politiques eugénistes négatives qui ont été absolument troublantes. Un mot sur la politique négative là, dont vous parlez? Et après oui. ça, j'ai un extrait à faire en tant qu'il est assez fort. Oui, bien, le négatif, à ce moment-là, c'est c'est d'éliminer les mauvais gènes. Et là, dès qu'on utilise le mot éliminer, on comprend aussi ce que ça peut avoir comme impact. Alors, ce sera, par exemple, des politiques de restriction de l'immigration absolument sévères. On va en connaître au Canada, on va en connaître aux États-Unis au 19e siècle, au début du 20e siècle. Ce seront des politiques de ségrégation aussi, ne pas mélanger les races en considérant que certaines races sont inférieures et donc les gènes de ces races inférieures vont contaminer des races supérieures. Discours assez important au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, la troisième politique qui est terrible, c'est la stérilisation, par exemple, forcée pour éviter que certains individus qu'on considère inaptes à la reproduction se reproduisent et aient des enfants. On va y revenir à ça parce que c'est il y a quelque chose à dire autour de ça. Bon, alors, moi, je vous parlais de l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. J'ai un extra à faire écouter. C'est Albert Jacquard. Ça se passe à l'émission Les magiciens de la vie. C'est à Radio-Canada, le 18 mars 1980. Si on prend les hommes et qu'on veuille améliorer la capacité des hommes à courir vite, je suis à peu près persuadé que ça marcherait. Vous prenez la fille d'un champion, du fameux champion là, des Jeux Olympiques, le fils d'un autre champion, et vous faites ça pendant 3, 4, 5 générations, et vous allez probablement, il y aura du déchet, mais il y aura aussi un beau jour, un homme et une femme qui vont courir plus vite que quiconque, et feront peut-être le 100 mètres en 8 secondes, je ne sais pas. Par conséquent, toute caractéristique, quelle qu'elle soit, on peut toujours l'améliorer, à condition que ce soit une caractéristique mesurable, comme la vitesse au 100 mètres, et à laquelle on porte grand intérêt. Mais cet individu qui saura faire le 100 mètres en 8 secondes, il sera en tout cas très mauvais pour le 5000 mètres. Il ne saura faire que ça. Alors, améliorer l'homme, ça voudrait dire quoi? D'abord, choisir une caractéristique qui mériterait d'être améliorée. Alors, tout le monde répondra, bon, on en connaît, en fait on se moque un peu de la vitesse à la course, mais ce qui nous intéresse c'est l'intelligence. Alors améliorons l'intelligence humaine. Mes réponses, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que ça se mesure avec un seul nombre? L'intelligence c'est une caractéristique tellement multiface que naturellement on va être obligé de prendre dans l'intelligence telle ou telle caractéristique. Peut-être qu'on pourrait y arriver, mais quel intérêt ça a-t-il? Oui, alors ça sert à quoi finalement de courir le 500? Cet extrait est formidable parce que ce que nous dit Jacquard, en fait, c'est que le problème de l'eugénisme, c'est la dimension arbitraire. C'est-à-dire qu'on porte un jugement sur autrui. Qui sommes-nous pour dire que ces individus sont inaptes à la reproduction? En fait, c'est surtout ça l'horreur de l'eugénisme. C'est une prise de position en considérant que, effectivement, notre coureur de 100 mètres, il va peut-être courir en 8 secondes. Il aura peut-être par ailleurs des problèmes de santé majeurs. Donc, parce qu'il a abouti à ça. Donc, qui on est pour déterminer quelle est la valeur d'une vie humaine. En fait, c'est ça la question de base sur l'eugénisme. Et cette question-là, ben, on y a répondu très clairement par des politiques très précises de stérilisation, d'assassinat de personnes parce qu'on considérait qu'elles étaient inaptes. L'autre point aussi, et c'est pourquoi le Jacquard est formidable, c'est qu'il nous montre aussi, et je me souviens dans un magnifique ouvrage des années 80, Jacquard disait, vous savez, le handicap, c'est le progrès. C'est à travers les contraintes que l'on a qu'on pense que, justement, l'intelligence humaine se développe. Elle réagit à des problèmes, elle réagit à des contraintes. Et donc, cette intelligence, elle est très fournie, elle est très multiple et on ne peut pas porter de jugement sur autrui là-dessus. Alors là, j'ai un extrait à vous faire écouter. C'est vraiment touchant. C'est véritablement, je pense que le mot touchant n'est pas bon, il faut dire troublant. Vous allez entendre Mary Frances Carbon. Ça se passe en 1946. Elle a été internée en Virginie, pas par des bozos, mais vraiment par l'État. Pourquoi? Parce qu'elle était une jeune fille, elle était pauvre, et elle était sans instruction. Alors là, on touche à ce que vous disiez tantôt, Carl Bouchard. Alors, dans l'extrait que vous allez entendre, elle raconte l'opération de stérilisation qu'on lui a fait subir. Je disais, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que je fais ici? Donc, l'infirmière descend. Elle descend, elle me met dans l'ascenseur et m'emmène à l'hôpital, dans une des salles de l'hôpital. Et là, la première chose qu'ils m'ont faite, ça a été de me mettre dans une baignoire et de me laver, quoi. Bon, mais j'étais assez grande pour me laver toute seule. Seulement, il le faisait à votre place, quoi. Après, je suis restée là un moment. Le docteur, il s'appelait le docteur Ramsey. Il m'a examinée de tous les côtés pour voir si je... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je revois très bien. Et puis après, je suis restée encore un moment dans l'hôpital. Ils m'ont emmenée dans une autre salle, la salle numéro 5. C'était la première fois que je voyais une salle d'hôpital. J'étais gamine, je devais avoir 10 ans. Ils m'ont dit, vous devez vous faire opérer. Alors j'ai dit, de quoi? Et ils ont dit, c'est pour votre bien. Ils n'ont pas du tout dit que c'était pour devenir stérile et que quand je me marierai, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Ils m'ont jamais dit ça. Alors après, Je suis restée 2 semaines à l'hôpital. J'étais dans le coma. Ils m'ont stérilisée à l'âge de 11 ans et j'ai failli y rester. Et la seule chose dont je me souviens, c'est ce que l'infirmière a dit. Sa vie est entre les mains de Dieu. Quand même, hein? C'est quelque chose. Mary Frances Carbon, extrait de l'émission Horizon du 22 janvier 1995. Et c'est pas Carl Bouchard, c'est pas... Hélas, ce n'est pas un cas isolé. Il y a combien de gens comme ça aux États-Unis qui ont été, je ne dirais pas kidnappés, mais arrêtés, emprisonnés et ensuite stérilisés par l'État? Il y a des dizaines de milliers de cas exactement. Comme ça. On en est à des, exactement des dizaines de milliers de cas. Les enquêtes au niveau international ont peu à peu montré dans les années 90-2000 l'étendue des politiques de stérilisation. En Suède, c'est 230 000 personnes qui ont été stérilisées à partir des années 30 jusque dans les années 60-70. Dans un premier temps, dans le contexte de la montée des extrêmes des années 30, c'était dans une volonté de pureté ethnique. Et puis après dans les années 50-60, c'était souvent, et c'est encore plus peut-être troublant, par consentement, on réussissait à arracher le consentement de la femme stérilisée en la convainquant qu'elle n'était pas bonne à faire des enfants et que ses enfants allaient forcément être un poids pour la société. Donc, on a continué sous des discours peut-être plus humanistes dans une certaine mesure, mais à avoir exactement la même politique, le même type de politique. On l'a connu en Suisse. On va avoir au Canada des stérilisations de femmes, notamment de femmes autochtones. Aux États-Unis, une proportion inquiétante de femmes noires qui ont été stérilisées. Tout ça dans un contexte d'amélioration de la société et puis surtout de favoriser les bons gènes au détriment de ce qu'on considère être les mauvais gènes. Mais en conclusion, aujourd'hui, là, avec toutes les réflexions, là, est-ce que nous sommes davantage prémunis contre la tentation eugénique? Certainement pas. En fait, on est certainement beaucoup plus vigilant quant au dérapage, mais on conserve encore la base du discours eugénique qui est celui de contrôler notre propre développement. C'est-à-dire que l'eugénisme, c'est le contrôle de l'espèce humaine par l'humain lui-même. Et notre obsession de contrôle qu'on va appliquer autant dans l'élevage, puisque c'est ce qu'on fait dans l'élevage, l'eugénisme. On fait reproduire les bons gènes des bovins, par exemple, et on manipule de cette façon-là, on court-circuite la sélection naturelle à travers l'élevage. Donc, on le fait partout. Et puis, malgré tout, il y a des scories qui se développent dans notre société. On a quand même cette idée de contrôle de la société. C'est clair que les organismes génétiquement modifiés, c'est clair que la génétique, la biogénétique flirte constamment justement avec ce désir eugéniste et puis cette obsession qu'on a de fabriquer des enfants parfaits, d'avoir des enfants qui sont intelligents, qui sont forts, qui courent vite, qui sont en santé. Et donc tout ce qu'on peut avoir comme manœuvre pour essayer d'y parvenir, ça reste malgré tout, à mon avis, des rémanences un peu de l'eugénisme du 19e siècle. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Carl Bouchard, merci infiniment, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci. À la recherche pour cette émission, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives absolument indispensable, vous l'avez vu encore aujourd'hui, Mario Bolduc. Site Internet, Mathieu Arsenault. Le technicien, c'est Martin Lavoie. La réalisation, c'est Mathieu Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou encore en vous abonnant à notre balado-diffusion. Et si Alec revient en remplacement de Jacques Beauchamp, je vous souhaite une bonne soirée.